L'eau montait toujours. Pierre, qui la surveillait, me cria « Louis, méfions-nous, l'eau touche à la fenêtre !» Cet avertissement nous tira de notre cri de désespoir. Je revins à moi. Je dis en haussant les épaules « L'argent n'est rien. Tant que nous serons tous là, il n'y aura pas de regrets à voir. On en sera quitte pour se remettre au travail. » « Oui, oui, vous avez raison, mon père, » reprit Jacques, fiévreusement. « Et nous ne courons aucun danger. Les murs sont bons. Nous allons monter sur le toit. » Il ne nous restait que ce refuge. L'eau, qui avait gravi l'escalier, marche à marche, avec un clapotement obstiné, entrait déjà par la porte. On se précipita vers le grenier, ne se lâchant pas d'une enjambée, par ce besoin qu'on a, dans le péril, de se sentir les uns contre les autres. Cyprien avait disparu. Je l'appelai. Je le vis revenir des pièces voisines, la face bouleversée. Alors, comme j'apercevais également l'absence de nos deux servantes et que je voulais les attendre, il me regarda étrangement et me dit tout bas « Morte, le coin du hangar, sous leur chambre, vient de s'écrouler. Les pauvres filles devaient être allées chercher leurs économies dans leur malle. » Il me raconta, toujours à demi-voix, qu'elles s'étaient servies d'une échelle jetée en manière de pont pour gagner le bâtiment voisin. Je lui recommandai de ne rien dire. Un grand froid avait passé sur ma nuque. C'était la mort qui entrait dans la maison. Quand nous montâmes à notre tour, nous ne songeâmes pas même à éteindre les lampes. Les cartes restèrent étalées sur la table. Il y avait déjà un pied d'eau dans la chambre.